style une étoile, le paradis sur terre. J'étais l'instinct pour tester, tout le monde appréciait. J'apportais la gaieté, un style plus raffiné, comme la crème café convoitée. J'étais, malgré l'argent si présent, sans, on se marchait pas dessus. Le respect d'autrui faisait qu'on produisait solide produit. La pupille de mes yeux était remplie d'envie ambitieuse. J'étais la fille sérieuse, avec la grâce une danseuse. Noire comme Naomi, mais pas les mêmes hobbies. Moi ma vie s'étend sur Paris et toutes ses fantaisies. Je voulais briller comme toutes ces filles à la télé, être l'instinct contesté que tout le monde apprécie. Je voulais briller comme toutes ces filles à la télé, être l'instinct contesté que tout le monde apprécie. J'enchaînerais tout ce que la luxure pouvait toucher. Ici les chichis se côtoient avec excès. Merde, ce que la vie est belle, en haut de la tour Eiffel. J'ai plus d'impact qu'un décibel. La une de gala avec tous mes gars apporte un plus dans ce monde-là. Moi c'est tout dans l'apparence. Ce que j'adore calmer sa cadence, ces dernières revues dans tout ce superflu. C'est là que Fanny évolue. Hey Kama, tu veux, est-ce que tu veux ta photo dans toutes ces revues en compagnie de la dernière venue? Je voulais briller comme toutes ces filles à la télé, être l'instinct contesté que tout le monde apprécie. Je voulais briller comme toutes ces filles à la télé, être l'instinct contesté que tout le monde apprécie. La vie belle, ces soirées hôtel, l'instinct des chutes traîne ses pas dans la rue. Monter si haut pour descendre aussi bas. Dans le show business, y'a autant de vices, d'esprit qui t'agresse. Impossible de vivre d'amour et d'eau fraîche. Laisse-moi crier cette pitié de vivre. D'autres préfèrent rire ou mourir. Rien ne va plus, même mes rêves finissent cauchemar. Je vois ma vie en noir, même couché tard le soir. Brille comme toutes ces filles cogitent dans mon esprit. La vie n'a pas de prix, regarde certains, c'est mieux ainsi. Les pieds sur terre, les yeux ouverts. Je crois que mes idées sont bien claires. Je voulais briller, je voulais briller, je voulais briller comme toutes ces filles à la télé, être l'instinct contesté que tout le monde apprécie. Je voulais briller comme toutes ces filles à la télé, être l'instinct contesté que tout le monde apprécie. Je voulais briller comme toutes ces filles à la télé, être l'instinct contesté que tout le monde apprécie. Je voulais briller comme toutes ces filles à la télé, être l'instinct contesté que tout le monde apprécie.